Mosaïque. Bonjour à toutes et tous, amis fidèles de la radio Isanganiro. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. C'est toujours pour parler élections de 2020 au Burundi. Le rendez-vous approche de plus en plus, en effet. Votre station poursuit ainsi son programme de donner la parole aux candidats présidents qui sont au nombre de 7 aujourd'hui. Ils parlent de leurs projets de société, des défis observés pour le Burundi et les Burundais à l'état actuel des choses, des perspectives, mais ce n'est pas que cela. Et au cours des quelques minutes qui vont suivre, nous avons l'honneur d'accueillir au studio un de ces candidats. C'est en exclusivité. Il s'agit d'Evariste Ndayishimiye, qui est en même temps le secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. L'émission Mosaïque d'aujourd'hui est réalisée par Jérôme Niyonzima et à la présentation, Léon Sebitariho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Isanganiro. Avant d'entrer dans le vif de l'émission, monsieur le secrétaire général, candidat président, une petite présentation sur Isanganiro, qui est Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye, c'est un Murundi né à Gitega, en commune Giheta, en 1968. Je suis resté dans mon pays natal, je n'ai jamais été réfugié, donc j'ai suivi toute la vie de la nation burundaise depuis mon enfance. J'ai grandi à Giheta, dans la localité de Kibimba, colline Musama, où j'ai fait l'école primaire. L'école secondaire, je l'ai fait ici à Bujumbura, à l'Athénée de Bujumbura, c'est là où j'ai fait l'école secondaire, et même l'université, ici même à Bujumbura. Ma vie a été une vie d'ordinaire comme les autres. Je suis un enfant de paysan. Je suis grandi dans une société déjà qu'on peut dire déjà ordinaire. Donc, jusque maintenant, j'ai l'expérience de la vie nationale. Je ne peux dire cela. Expérience de la vie nationale, vous avez combattu, vous avez été au maquis pour le compte du mouvement CNDD, et puis CNDD-FDD, jusqu'à ce que celui-ci devienne le parti au pouvoir après un long combat. C'est aussi ça, n'est-ce pas? Oui, effectivement. J'ai été forcé d'être un combattant de la liberté pour pouvoir rétablir la société burundaise. Comme vous le savez, la société burundaise, c'est une société qui a une histoire très douloureuse. J'ai vécu tout cela et en même temps, j'ai été victime de tout cela. Effectivement, en 1993, quand il y a eu la crise, c'est là où presque toute la jeunesse du Burundi a été forcée à combattre. Et j'ai fait partie des gens qui ont commencé le mouvement CNDD-FDD. Et j'ai combattu jusqu'à la cessation définitive des hostilités. Aujourd'hui, c'est une satisfaction. Je suis satisfait parce que les causes réelles de notre combat ont été réglées. Ce qui reste, c'est rétablir la société burundaise pour que chaque citoyen ait un bien-être, le minimum vital dans sa patrie. Et voilà qu'à ce jour, vous êtes le candidat présidentiable du parti au pouvoir depuis 2005, le CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye, à quel projet de société? Mais ce n'est pas le projet de société d'Evariste Ndayishimiye, c'est le projet de société du CNDD-FDD. Moi, je suis le candidat du CNDD-FDD. C'est-à-dire que le CNDD-FDD a dit maintenant, c'est ton tour d'être au voilà. Donc, pour vous dire que je n'ai pas mon projet propre, c'est le projet du CNDD-FDD. Et aussi, je peux dire que c'est le projet du peuple burundais parce que la majorité des Burundais est membre du CNDD-FDD. Et pour organiser un projet, pour planifier ce qu'il faut faire pour son peuple, d'abord, la première chose, c'est consulter son peuple. Nous avons essayé de chercher les défis de ce pays en organisant des réunions avec la base du CNDD-FDD et on a pu relever tous les défis et nous avons essayé en tant que leader, nous avons essayé de trouver des solutions. Donc ce que nous allons présenter, ça sera un projet qui gère des aspirations du peuple, qui répond effectivement aux soucis du peuple burundais et nous pensons que ce sera un bon projet qui est recevable par tous les citoyens. Peut-être qu'on va y arriver, mais vous parlez des défis. Vous avez consulté pas mal de groupes. Quels seraient alors ces défis que présente la société burundaise aujourd'hui? D'abord, la société évolue, comme vous le savez. Nous avons observé la situation de départ. Je peux dire que le Burundi a commencé à se rétablir depuis 2005 et j'ai suivi avec intérêt cette évolution. Nous avons un objectif d'abord d'atteindre le bien-être de tous les citoyens du Burundi, sans exception aucune. Alors, même ceux qui ne sont pas du CNDD-FDD. Oui, parce que le CNDD-FDD a une politique de chercher le bien-être de tous les citoyens et de toutes les personnes qui vivent au Burundi, même s'ils n'est pas burundais. Donc, la première chose à faire, c'était d'abord ramener la paix, la sécurité, la tranquillité dans le pays. Il fallait mettre en place un état de droit, un état démocratique. Et tout a été fait. Nous avons des corps de défense et de sécurité qui sont fiables maintenant, qui jouissent de la confiance de tout le peuple burundais. Nous avons maintenant des institutions démocratiques. Maintenant, la population burundaise s'est habituée à élire ses leaders. Et puis aussi, les citoyens burundais se sont réconciliés. Vous voyez, les gens pensaient que le problème burundais, c'était le problème entre les ethnies, mais cette question est déjà résolue. Et vous voyez que maintenant, tout le monde est à l'aise. Nous n'avons pas de soucis sur la question de défense et de sécurité, sur la question ethnique, sur la question de réconciliation. Nous n'avons pas de problème avec le leadership parce que maintenant, la démocratie s'est établie dans notre pays. Et ce qui reste maintenant, c'est effectivement aller tout droit vers le développement intégral, le développement durable pour le Burundi, et un développement qui inclut tout le monde. Alors, tout cela, nous devons alors maintenant planifier cette étape qui vient. C'est un combat pour le développement et nous devons le faire ensemble. On pourra dire finalement que le candidat Évariste Ndayishimiye a un terrain déjà planifié pour gouverner le pays. D'abord, je dis que j'ai eu mon temps d'apprentissage. J'ai vu la société grandir. J'ai été parmi les grands acteurs de ces étapes de rétablissement de la société burundaise. Je sais d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Je connais les problèmes posés par les citoyens burundais. Donc, pour moi, je n'ai pas de problème de connaître ce qu'il faut faire pour ce pays. Évariste Ndayishimiye, candidat président, qu'est-ce que vous comptez apporter, si on entre un peu en détail, qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau dans divers domaines de la vie du pays, que vous connaissez sans doute, aussi bien au niveau politique, économique, social, sécuritaire, santé, éducation, dans divers domaines? Oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est une étape parmi les autres. Maintenant, nous sommes à une étape où nous devons chercher le bien-être de la population et nous devons aller effectivement domaine par domaine. Il y a, c'est presque dans tous les domaines. D'abord, il faut la consolidation des acquis. Nous devons consolider les acquis, c'est-à-dire la bonne gouvernance, la sécurité du pays. Il faut qu'on consolide parce que ce sont maintenant des acquis que nous n'avons pas le droit d'en perdre. Et ensuite, ce qui va suivre, c'est effectivement renforcer ce qui était un peu faible. Vous savez, par exemple, quand on parle des questions sociales, vous avez vu que depuis 2005, on s'est ingénié pour construire, par exemple, des écoles avec les travaux communautaires de développement. Avant 2005, vous savez, nous n'avions pas plus de 50 écoles secondaires, mais maintenant, vous voyez que même les universités, maintenant, sont en train d'être construites. Donc, c'est la question d'éducation, par exemple. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est continuer à évoluer pour développer le système éducatif burundais afin de produire des lauréats, des jeunes qui puissent être capables de travailler. C'est le professionnalisme que nous devons engager devant ce qui concerne le système éducatif. Et aussi, il y a la question de santé. Nous avons beaucoup de choses à faire au Burundi parce que, vous savez, la société qui se rétablit de plus en plus, nous devons améliorer encore une fois. Vous avez vu qu'on a fait des efforts pour réduire la mortalité infantile. On a tout fait pour améliorer la santé de la population, pour l'addiction d'eau potable, l'assainissement. On a fait tout cela, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons continuer à le faire. Il n'y a pas de nouvelles choses à faire, c'est la continuité. Nous devons essayer quand même à assurer la santé de la population, à donner beaucoup plus de facilité. Mais aussi, nous avons besoin aussi d'assurer, je dirais, la protection sociale. La protection sociale aussi, c'est un défi pour la société burundaise. Nous voyons comment, même il y a des gens maintenant qui sont expérimentés dans des métiers, mais qui ne sont pas protégés. Et nous avons des travailleurs, des fonctionnaires, et aussi, je vois combien ils ont des difficultés d'avoir des médicaments. Je vois qu'il y a des difficultés. Quand je vois les retraités, par exemple, ce sont des gens qui ont servi le pays, mais qui ont besoin aussi d'être assistés à leur vieillesse, qui ont besoin d'être accompagnés. Tout cela, ce sont des défis que nous découvrons du jour au jour et que nous devons chercher des solutions. Donc, nous devons tout faire pour arriver à cela. Nous voyons des défis comme Maintenant, il y a la surpopulation. Quand on parle de retraités, de personnes retraitées, il y en a parmi les autres candidats qui disent que les retraités pourront avoir au moins 75% de leur dernier salaire. Est-ce que c'est faisable chez vous? Tout cela, il faut étudier. Est-ce qu'ils ont eu le temps au moins d'analyser la situation réelle? Parce que pour dire, je dois arriver à ceci, il faut d'abord se mettre sur la table et faire des enquêtes. Faire des analyses, comment ils pourront arriver à cela. Ils ont un budget, où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent? Pourquoi ne pas penser d'abord à voir comment nous allons gérer ça? Mais au parti CNDD-FDD, l'intérêt que nous avons, l'avantage que nous avons, c'est que maintenant, nous pouvons voir si c'est possible. Ce que nous disons alors, c'est ce qui sera possible. Si je dis que j'ai vu qu'il y a des difficultés de gestion, par exemple, des retraités, c'est que je peux entrevoir dans le passé qu'est-ce qui s'est passé. Et par exemple, si je dis un fonctionnaire qui a travaillé pendant 40 ans, qui a cotisé à l'INSS, il a cotisé combien? Est-ce qu'avoir ce temps qui vient de se passer, il ne peut pas y avoir moyen de prendre une portion pour pouvoir améliorer, par exemple, sa santé et aussi sa passion? Oui. Donc, c'est possible. Mais dire, je vais arriver jusqu'à 75%, pourquoi à 120%? Parce que si on travaille sur la réalité, on peut arriver même jusqu'à 120%. Mm-hmm. Pourquoi pas un fonctionnaire qui va à la retraite ne peut pas toujours avoir le même salaire qu'il avait quand il était en fonction? Mm-hmm. Ça peut arriver si on essaie d'analyser et voir combien il a cotisé et combien ça peut contribuer. Parce que s'il a cotisé, c'est qu'il a investi. Il a investi et il peut avoir des intérêts. Justement, c'est son investissement. Tout cela, alors, c'est une politique qui doit se mettre en place et on analyse et puis on sait où on peut arriver. Vous vous souvenez quand on disait qu'il y aura la gratuité de santé pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes qui accouchent. On disait que c'est impossible. Mais quand on a analysé dans le budget, on a vu que c'est possible. Quand on disait que les communes pourront avoir 500 millions par an dans le budget national, les gens ne pensaient pas que ça pouvait se réaliser. Vous avez vu que c'était possible. Mais avant, on ne disait pas qu'on va donner 500 millions. On disait que de toute façon, nous allons essayer d'appuyer le développement local. C'était cela la politique. Et après analyse, on a vu que c'est possible. Et maintenant, je peux dire que c'est possible qu'on peut avoir 1 milliard pour chaque commune. C'est possible parce que plus on produit, ou bien on dirait on appuie les communes. Ou bien ce sont des rêves, monsieur le secrétaire. Ah, c'est comme si, même avant, on disait que ce sont des rêves. D'abord, la première chose, il faut avoir une vision. La vision que nous avons, c'est chercher le bien-être de tous les citoyens, sans exception. Alors, si nous avons cette vision, nous allons dire, pour avoir un bien-être, il faut avoir la bonne santé, il faut avoir été éduqué, il faut avoir une maison décente, il faut avoir de l'eau et de l'électricité, il faut avoir un environnement favorable. Il y a des choses qui doivent être intégrées pour avoir une meilleure vie. Alors, tout cela, c'est domaine par domaine, et ce n'est pas un rêve. Nous devons arriver à cela. Mais on n'arrive pas là à une journée, à une année. C'est une étape. On doit aller progressivement jusqu'à arriver comme ça. D'ailleurs, au sein de FDD, nous avons la vision. Nous disons phase 1, phase 2, phase 3, jusqu'à l'arrivée. Je ne peux pas dire que tout sera 100% dans 2 ans, dans 3 ans, mais à la fin, nous devons atteindre cet objectif. Tantôt, vous avez évoqué, quand on parlait de défis, vous avez évoqué des questions liées à la paix et à la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la paix et la sécurité sont totales dans le pays? Je peux garantir que la paix et la sécurité est garantie dans le pays. Vous savez, le pays, ce n'est pas un paradis. Tout pays a des criminels. Tout pays a des problèmes liés à la sécurité. Mais l'essentiel, c'est s'organiser à ce que les citoyens soient protégés, que le pays soit protégé, qu'il n'y ait pas une agression des uns envers les autres, que tout le monde ait la garantie de la sécurité dans le pays. Donc aujourd'hui, si je vois que les instruments sont là, les codes de défense et de sécurité sont bien organisés et jouissent de la confiance de tout le monde, c'est-à-dire tout le monde est tranquille. Donc c'est la question de sécurité. Moi, je suis confiant. Et aussi, nous avons des institutions qui veillent à la sécurité du pays. Et ces institutions sont des institutions aussi fiables parce que ce sont des institutions démocratiquement élues. C'est-à-dire ce sont des gens, des leaders qui sont ici, de son peuple, donc qui ne peuvent pas faire du mal au peuple. Donc, ils sont voués à la protection de la nation. Quand vous parlez du développement de la population, à travers les fonds que le gouvernement alloue aux communes du pays, que dire, monsieur le secrétaire général et candidat président, que dire des coopératives appelées Sangwe qui sont, je dirais, dans tout le pays? En fait, les gens n'ont pas encore compris ce que c'est coopératives Sangwe. Les coopératives ne sont pas Sangwe seulement. Par exemple, je dis, moi je suis membre d'une coopérative qui s'appelle Miroir du Développement. Sur la colline, nous avons plus de 3 coopératives. Donc, la coopérative n'est pas Sangwe. Plutôt parlons de coopératives. Il y en a qui disent que les coopératives Sangwe sont l'initiative du parti CNDD-FDD au pouvoir avec une vision électoraliste. Dites seulement que les coopératives Sangwe sont des coopératives pilotes qui ont été créées dans le cadre de création des coopératives au Burundi. Parce que ce ne sont pas des coopératives de CNDD-FDD, ce sont des coopératives composées des Burundais. Mais ce sont des coopératives qui se sont démarquées. Parce que partout sur toutes les collines, vous trouverez des coopératives comme ça. Alors, ce sont ces coopératives qui ont donné l'exemple de la production dans le pays. Vous savez, quand les individus travaillent seuls, ils ne peuvent pas produire beaucoup. Or, aujourd'hui, nous sommes à l'étape de production. Alors, ces coopératives sont encouragées parce qu'il faut s'unir pour produire plus. Et le gouvernement encourage toutes les coopératives. Ce n'est pas les coopératives Sangwe seulement. Le gouvernement doit encourager tout le monde. Seulement, les coopératives Sangwe, ce sont des coopératives qui se sont démarquées, qui sont bien organisées, qui sont capables de chercher des appuis financiers et qui sont capables aussi de les rembourser. C'est-à-dire le contrôle de ces coopératives est facile, plus que les autres qui sont dispersées là et ça et là. Donc, Elles sont crédibles. Elles sont effectivement crédibles parce que... Justement, quand vous parlez de remboursement. Oui, c'est le remboursement. On rembourse sur la production. Oui. On les encourage à produire. Oui. Et aussi, s'ils produisent, c'est-à-dire qu'ils vont rembourser progressivement sur base de la production qu'ils auront reçue. Et oui. Cela permettra de développer tout le pays. Oui. Monsieur le candidat, que dire des relations ou du partenariat entre le Burundi et les autres nations? Jusque maintenant, je trouve que les relations entre le Burundi et les autres pays, ce sont des relations qui sont bonnes. Mais les gens passent seulement à des particularités. Il n'y a pas de gens, comme des pays, sont comme aussi des entités, comme des personnes. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Mais il y a beaucoup de pays qui coopèrent très bien avec le Burundi. Mais il y a des particularités où il y a des pays qui n'ont pas peut-être d'intérêt au Burundi. Et d'autres peut-être qui ont une politique qui voudraient injecter dans le pays. Et qu'ils trouvent que c'est difficile que les Burundais digèrent leur politique. À ce moment-là, ils sont désintéressés. Alors, s'il y a des pays qui sont désintéressés, ce sont des pays que nous devons approcher pour les intéresser, ceux qui sont désintéressés, pour leur montrer qu'ils ont intérêt à coopérer avec le Burundi. Sinon, je peux dire que le Burundi, c'est un pays qui coopère avec beaucoup de pays, sauf bien sûr quelques pays qui ont une autre politique qui ne coïncide pas avec la politique burundaise. Et ces quelques pays, est-ce que vous comptez un jour, le moment venu, s'il advenait que vous soyez élu, est-ce que vous comptez un jour les approcher pour renouer ces relations? Bon, d'abord, sur cette question, peut-être aujourd'hui il y a des divergences, mais au fur et à mesure, les pays peuvent comprendre la situation politique du pays et converger avec le Burundi. Donc ce qui est essentiel, c'est leur montrer ce que nous faisons dans notre pays, les bienfaits qui sont faits dans notre pays, et comme ça, ça va les attirer pour venir voir réellement la stratégie du Burundi pour faire mieux vivre les Burundais. À ce moment-là, ils vont aussi venir chercher notre expérience. Donc, pour vous dire que moi, je suis optimiste que nous aurons beaucoup plus d'amis, parce que plus on est bien, plus on a des amis, parce qu'ils vont trouver des intérêts chez nous. Et votre mode de gouvernance, ce sera une continuité où il y a certains secteurs qui méritent des corrections? Bon, d'abord, aussi, la gouvernance, c'est déjà choisi par le peuple. Nous avons une constitution. Cette constitution institue tous les organes de l'État. C'est-à-dire, le mode de gouvernance est déjà institué et là. Il reste la pratique. La pratique, ce sont des hommes qui mettent la machine en marche. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y aura la nouvelle organisation du pouvoir, mais plutôt maintenant, c'est exercer ce pouvoir qui est déjà institué. Et on va maintenant aux élections, effectivement, pour, encore une fois, choisir des hommes qu'il faut pour exercer ce pouvoir qui est déjà institué par la population. C'est donc renforcer ce qu'il y a. Oui, c'est renforcer et continuer aussi à améliorer, parce que la société évolue et change, les situations changent, on doit évoluer avec les situations. Donc on ne peut pas dire c'est le statu quo. Chaque fois qu'il y a évolution, la population, les citoyens qui le souhaitent, oui, avancent des propositions, et le gouvernement est là pour voir ce qui est juste et bon. La situation, les temps, ça change. Quand on parle de budget d'austérité, il y a des annales pour les fonctionnaires de l'État. C'est un secteur aussi où il y a un problème. Il y a des fonctionnaires qui se lamentent. Il y en a qui parlent aussi de problèmes de corruption, des spéculations chez certains commerçants, etc. Comment est-ce que vous prévoyez améliorer ou corriger si correction il y a? D'abord, je ne veux pas dire que nous avons un budget d'austérité, parce que je vois que l'État fonctionne normalement. On dit un budget d'austérité quand il y a un domaine qu'on a laissé de côté, parce qu'on n'a pas de budget. Mais je vois que le pays continue à vivre, à fonctionner correctement. Si je vois, par exemple, depuis 2015, là où on disait qu'il y a un budget d'austérité, c'est là où on a vu que le gouvernement a eu des fonds pour financer les communes. Comment dire que nous avons un budget d'austérité alors qu'il y a des améliorations dans la gestion du budget? Plutôt, peut-être, il y avait des malversations qui se passaient avant. Alors, quand les gens ont vu qu'il n'y a plus de trous pour faire les malversations, ils ont trouvé que c'est le budget d'austérité parce qu'ils ne peuvent plus voler. Alors, on essaie de gérer tout cela. Si vous parlez des salaires, le Burundi, d'abord, c'était un pays qui a eu des difficultés dans le passé, où c'était comme un désordre, où les gens étaient payés comme ça, d'autres comme ça. Et vous savez, la société, pour la changer, il ne faut pas casser. Vous devez changer les choses en effaçant les mauvaises choses tout en amenant les bonnes choses. C'est-à-dire, si on a pris la mesure d'harmoniser les salaires, ce n'est pas un problème. Mais le problème, ce sont des gens qui avaient des salaires plus élevés, qui étaient contents parce qu'ils étaient supérieurs. Alors, quand ils voient d'autres qui montent, imaginez-vous un enfant aîné. Vous voyez, quand il y a un autre enfant qui monte, l'enfant commence à avoir la jalousie. Alors, ceux qui critiquent ce processus d'harmonisation des salaires, ce sont ceux-là qui étaient mieux payés, qui ne voudraient pas avoir d'autres être mieux payés qu'eux. Donc, là, nous devons le faire parce que Le développement, ce n'est pas pour quelques individus, c'est pour tout le monde. Donc, nous devons avoir l'équilibre. En travail égal, il faut aussi un salaire équivalent. Donc, là, il n'y a pas à dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas un problème. Plutôt, c'est une meilleure solution pour tous les citoyens burundais. Est-ce qu'il arrive que M. Évariste Ndayishimiye, le candidat du parti CNDD-FDD au pouvoir, puisse visiter certains bureaux, certains services de l'État pour voir où ça ne marchait pas en vue de faire mieux quand il sera président? Je vous ai dit que j'ai l'expérience de la vie de la nation. Moi, j'ai été presque dans tous les services. J'ai été militaire. Vous avez été au gouvernement aussi? J'ai été militaire, j'ai été membre du gouvernement, j'ai été ministre, j'ai été chef de cabinet militaire, j'ai été chef de cabinet civil, j'ai été directeur général de la SOBGEA. J'ai été tout. J'ai été aussi un citoyen simple. J'ai eu de problèmes dans la vie comme les autres. Donc, je connais déjà les problèmes qui se trouvent dans les services de l'État. Les gens s'habituent de plus en plus, comme je vous l'ai dit. Depuis 2005, on commence à rétablir la société. On doit aussi changer la mentalité. Il y a des gens qui vont au travail qui ne savent pas qu'ils vont faire quelque chose. Ils vont là-bas, ils commencent à consulter l'Internet, ils vont sur WhatsApp. Ils ne savent pas quoi faire parce que si on va au bureau et qu'on s'assoit, on est au travail. Mais il faut quand même que les gens changent. Ils changent de mentalité pour pouvoir effectivement donner le rapport sur ce qu'on a fait chaque jour. C'est-à-dire que maintenant, il faut commencer à sensibiliser les gens pour les mobiliser au travail afin que pour recevoir un salaire, il faut aussi montrer le rapport du travail que vous avez déjà accompli. Donc montrer la production. Oui, sur cela alors, je connais maintenant les problèmes qui se trouvent dans différents bureaux parce que j'ai été dans tous les services, presque dans tous les services, et je connais comment les gens travaillent. On peut améliorer en fait. Et puis le gouvernement burundais à un programme national de développement PND 2018-2027. C'est cela qui va vous guider dans votre moyen de gouverner. Je vous remercie de cette question parce que ce plan national de développement, c'est la base de tous les programmes politiques. Parce que son plan national de développement, comme vous vous souvenez, c'est venu d'une longue concertation pendant le dialogue inter-burundais. Vous vous souvenez, il s'est sorti des choses, la constitution de la République du Burundi et le plan national de développement. Alors, je ne peux pas comprendre celui qui peut amener un autre programme qui est plus que ça. Le meilleur programme, c'est le programme qui vient effectivement des citoyens. Alors, ce qui reste maintenant, c'est planifier la mise en œuvre de ce programme. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le plan que nous avons, c'est le plan de mise en œuvre, de mettre la machine en marche pour arriver à l'objectif du plan national de développement. Ce sera un programme qui sera beaucoup apprécié par les citoyens parce que la base, c'est le plan national de développement. Ce n'est que la mise en œuvre de ce plan. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme de façon résumée? Nous avons peu de temps. D'abord, ce que je vous dis, le programme, c'est le plan national de développement. Plutôt, il faut me poser la question, le plan de mise en œuvre. Le plan de mise en œuvre aussi, c'est un plan qui doit s'échelonner année par année, mois par mois. Par exemple, vous pouvez dire, nous avons besoin que dans une année, au moins 80% de la population ait de l'eau potable. Ça se trouve dans le plan national de développement, il reste à mettre en œuvre. Alors on va étudier, est-ce que nous aurons des fonds pour réaliser ce plan? Oui. Donc, pour vous dire que, à résumer, il n'y a pas à résumer parce que développer un pays, c'est comme des chambres. Les chambres sont des domaines. On doit les monter tous. Tu ne peux pas dire, j'ai construit une maison tant qu'il y a une chambre qui n'est pas construite parce que les murs vont s'écrouler. Donc, c'est-à-dire, c'est comme une chaîne. Il n'y a pas à dire résumer, mais ce que je vous dis, la phase de recherche du bien-être de la population est arrivée. On doit avoir une population qui a les capacités nécessaires de produire. C'est-à-dire, il faut que l'État facilite les citoyens à produire et aussi les mobilise à produire. Donc, tout le plan consistera à donner des facilités pour que les citoyens arrivent à un bien-être fiable. Et aussi, il ne faut pas penser que c'est le gouvernement qui fait tout. Il y a des choses qui sont faites par le gouvernement et les citoyens appuient. Mais il y a des choses qui sont faites par les citoyens et le gouvernement appuie. Donc, ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait un gouvernement qui est responsable, qui a effectivement, qui se soucie de la vie de son peuple et qui est ensemble avec le peuple, parce que pour se développer, il faut que nous tous, nous soyons ensemble. Moi, d'ailleurs, je le dis souvent, le développement, c'est un combat et nous, où nous devons nous mettre en tirailleurs tous, sans qu'il y ait quelqu'un qui reste derrière. Nous devons aller ensemble. Alors, la chose à faire, c'est mobiliser tout le monde. Allons ensemble pour la recherche du bien-être de tous. Ce programme national de développement, ça va se terminer presque avec la fin du mandat du président de la République. Le président de la République qui aura un mandat de 7 ans à partir de 2020. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement l'a élaboré en consultation avec le parti CNDD-FDD que vous dirigez? Vous savez, je suis content que Février, vous dites que c'est jusqu'en 2027, mais ça ne commence pas en 2020, comme vous vous souvenez. Oui, ça commence en 2018. Je suis content que je suis parmi les acteurs qui ont mis les bases de ce plan. Parce que moi, je fais partie. Vous avez vu que depuis 2017, c'est là où nous avons commencé le combat contre la faim. Je faisais partie. Je sais que vous avez entendu les messages que je livrais à la population. Et jusque maintenant, je suis encore sur cette phase de mobilisation au développement pour mettre en place la base solide pour aller vers ce plan. Et deuxièmement, comme vous le savez, je vous ai dit que le plan vient du dialogue inter-burundais. Et il y a une constitution, effectivement, qui a instauré un mandat de 7 ans pour le président de la République. C'est-à-dire, ces mêmes citoyens qui ont instauré cette constitution, c'est-à-dire que chaque phase correspond à un plan. Or, comme maintenant le président de la République va terminer son mandat 2027, c'est-à-dire 2027, qu'il y aura une autre étape. Oui. Et nous devons travailler phase par phase et à la fin, on saura où nous en sommes. Donc, ce n'est pas lié à dire que c'est le plan du CNDD-FDD, mais c'est le plan des citoyens. Et les citoyens ont besoin d'un serviteur qui est capable. Quelles seraient alors les priorités dans ce programme? Quelles seraient les priorités pour votre programme ou projet de société? Ce que je peux te dire d'abord, il faut penser pour aller au combat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place les hommes. Alors, nous avons besoin des citoyens capables, qui sont paisibles, des citoyens qui sont tranquilles, qui pensent à l'avenir. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la paix, la tranquillité, tout le monde est à l'aise, alors on va au travail. Les hommes qu'il faut à la place. Il faut que ces hommes, les citoyens burundais, soient capables. Pour être capables, il faut d'abord manger. C'est la première chose. Si on n'a pas mangé, on n'a pas la bonne santé. C'est-à-dire, il faut la santé, il faut que aussi nous ayons une tête pleine. Il faut avoir des intellectuels qui sont capables de planifier le développement. L'éducation, parce que là, tu ne peux pas combattre sans avoir des commandants capables. Il faut avoir des commandants capables. Les commandants se sont déjà instruits. C'est-à-dire l'éducation. Tout cela, ce sont les capacités. Il faut renforcer les capacités. Comme je vous ai dit, il faut changer de mentalité. Si tu vas au travail, tu sais que tu vas au travail, il faut produire. C'est-à-dire aussi, pour avoir des hommes qui sont capables de mener ce combat, il faut que ce soit des hommes qui ont changé d'esprit, qui ne mangent pas tant qu'ils n'ont pas travaillé. Alors tout cela, c'est la préparation des hommes. Le renforcement des capacités des hommes pour pouvoir travailler. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut avoir la force. La force, comme vous le dites, l'argent c'est le nerf de la guerre. Il faut avoir les financements pour financer le travail. Financer le travail, c'est payer les salaires, c'est financer les activités. Alors tout cela vient d'où? Il y a les gens qui pensent que nous sommes pauvres. Moi, je sais que nous sommes riches. C'est le mal au problème qui se pose. On ne sait pas l'argent et le travail qui commence. Si on va au travail, on produit, on vend et on a de l'argent. Et l'argent finance encore d'autres activités et on va phase par phase. Est-ce que vous affirmez que le pays est riche, monsieur le secrétaire? Moi, j'affirme que le pays est riche, la pauvreté se trouve dans les esprits. Parce que j'ai vu chaque citoyen qui est vraiment courageux pour travailler. Je n'ai jamais vu un citoyen pauvre qui est courageux pour travailler. Mais les gens fainéants sont déjà pauvres. Allez voir dans les rues. Ceux qui sont dans les rigalas, ce sont ceux-là qui se lamentent qu'ils sont pauvres. Et vous ne verrez pas quelqu'un qui est en train de cultiver qui va dire qu'il est pauvre. Vous allez voir, ceux qui disent qu'ils sont chômeurs, ce sont des gens qui ne veulent pas travailler, qui veulent s'asseoir. Vous allez sentir quand les gens cherchent du travail pour leurs enfants, ils disent « Cherchez-moi où s'asseoir, où mon fils va s'asseoir. » Ils ne disent pas « Cherchez-moi où mon fils va travailler. » Parce qu'ils savent que le travail se trouve là. Il manque l'esprit pour travailler. Mais pour vous dire que vraiment, nous avons des ressources financières suffisantes pour pouvoir démarrer le travail. Et ce travail va produire beaucoup pour nous enrichir. Donc, pour moi, si nous avons la bonne santé, si nous avons l'intelligence, nous avons la force, nous sommes riches. Parce que nous avons un capital suffisant. Et il y a des universités qui ne cessent de sortir des lauréats d'année en année, mais il y a le chômage qui ne s'arrête pas. Est-ce que ce n'est pas un défi? Est-ce que vous avez déjà défini ce que c'est le chômage pour savoir si réellement nous avons des chômeurs? En fait, le problème que nous avons, c'est quoi? Ces gens-là terminent l'école, ils pensent qu'ils doivent avoir obligatoirement une place à la fonction publique. Ils ne savent pas qu'ils peuvent travailler. Moi, j'ai déjà initié beaucoup d'activités génératrices de revenus. J'ai utilisé la jeunesse, j'ai vu où se limitent leurs capacités. Parce que les gens pensent qu'ils doivent être fonctionnaires, ils ne pensent pas que travailler chez soi égale travail. Ils pensent que même travailler au privé, c'est être chômeur. Alors, il faut d'abord définir ce que c'est chômeur. Au Burundi, au moment où nous sommes, il n'y a personne qui peut dire « j'ai manqué quoi faire ». Souvent, d'ailleurs, ça me fait honte. Donc, travailler... voir un ingénieur agronome, par exemple, qui dit qu'il est chômeur, ça me fait honte. Si je vois un ingénieur agronome qui accepte de faire un travail où il touche moins de 200 000 francs bout, alors qu'il est ingénieur agronome, est-ce que réellement celui-là, je dirais que celui-là, vraiment, il est chômeur dans l'esprit. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est sensibiliser les gens au travail. Le travail est là, il manque ce qui vaut le faire. Travailler chez soi, ça peut rémunérer. Travailler chez soi, c'est possible pour avoir de l'argent. Ça peut aider dans le développement. Est-ce que vous avez des modèles positifs au parti CNDD-FDD que vous dirigez? J'en ai beaucoup. Parce que je me suis ingénié pour encadrer la jeunesse, surtout les jeunes intellectuels. J'ai eu même des groupes pilotes. Un jour, on a posé une question. C'était pendant les séances de formation. Alors, on a posé une question à un groupe de jeunes qui ont déjà commencé les activités. Nous leur avons demandé, entre fonctionnaire et en privé, qu'est-ce que tu peux choisir aujourd'hui? Parce que tu as déjà commencé les travaux, les activités génératrices de revenus. Nous avons des fonctionnaires et nous avons des jeunes maintenant qui travaillent chez eux. Alors, ils m'ont dit, voilà quelqu'un qui a étudié avec moi. Il touche maintenant 86 000 francs bout. Par mois. Il loue une maison où il vit. Il paye domestique de la maison. Il mange quand il va au marché. Il doit acheter. Alors il a dit, à la fin du mois, il a déjà contacté un crédit pour vivre. Bon, c'est des enfants éduqués. Oui. Alors lui, il me dit, chaque jour, j'ai au moins un billet de 5 000. Je n'ai pas 86 000 à la fois, mais chaque fois, j'ai au moins 5 000 francs chaque jour. C'est-à-dire, je peux m'acheter quelque chose quand je suis malade. Je vends une épaule, par exemple, et je vais à l'hôpital, je vis à la maison, je mange ce que j'ai produit à la maison. Et il dit, finalement, j'ai trouvé que c'est moi qui suis riche que le fonctionnaire là. Et il a dit, depuis le jour où j'ai vu cela, j'ai dit, je ne peux pas être fonctionnaire. Ça, c'était le premier exercice. Deuxième exercice, on s'est imaginé un paysan qui a un poulailler de 300 poulets. On s'est imaginé un fonctionnaire qui touche 2 millions de francs bout. Et on a fait l'exercice pour voir celui qui commencera à acheter une Jeep V8. Dans 8 ans, celui qui avait 300 poulets, il avait déjà acheté Jeep V8. Mais le fonctionnaire qui touche 2 millions, il est allé à la retraite sans avoir eu l'argent pour acheter JPV8. Donc, pour vous dire que, en fait, les gens n'ont pas eu cette culture de travailler pour produire. Les gens ont été formés pour être des fonctionnaires, touchés sans avoir eu quelque chose produit. Alors, il faut que quand même on sensibilise les gens à commencer à travailler parce que le travail, il y en a. Monsieur le secrétaire général du parti CNDD-FDD, candidat président, vous estimez que votre programme, on va beaucoup parler du programme, vous estimez que votre programme va coûter combien en termes financiers, de façon, disons, échelonnée, première année, deuxième année, jusqu'en 2027? Vous pensez que je suis en train de faire le business plan? En fait, être leader d'un pays, c'est être gestionnaire du bien national. C'est-à-dire, vous planifiez suivant ce que vous avez. Et quand vous avez plus, vous faites plus. Quand vous avez moins, planifiez les activités qui sont proportionnelles au financement que vous avez. Où est-ce que vous pouvez créer de l'argent, par exemple? Je ne suis pas en train de faire un business plan où on dit, nous allons commencer par un capital de ceci, nous allons contracter une dette à la banque. L'État, c'est pas comme ça. L'État, c'est gérer la nation et tout le monde va travailler. Par exemple, je peux vous dire, il y a un industriel qui celui qui est en train de créer une entreprise. Il va être facilité par l'État, mais l'argent, c'est pour lui. Sa dette ne peut pas dire, vous allez amener combien? L'État donne des facilités, l'État donne l'expertise, l'État fait la gestion, l'administration de toutes les activités du pays. Que vous soyez privé, que vous soyez dans le domaine public, vous êtes géré par l'État. Donc, tu ne peux pas dire, mon projet va coûter ceci. Non, plutôt, nous devons évoluer parce que la construction de la société se fait progressivement. Aujourd'hui, vous êtes au nombre de 7, je dis bien, les candidats pour le fauteuil présidentiel. Évariste Ndayishimiye, à quelle stratégie pour battre les 6 autres le 20 mai prochain? Bon, d'abord, nous allons en compétition, c'est-à-dire nous allons montrer nos programmes à la population. Et la population va choisir celui qu'elle trouve qui est capable. Moi, j'ai des atouts, j'ai cette expérience. Ils me connaissent. J'ai la chance d'avoir piétiné toutes les communes du pays. J'ai voyagé dans tout le pays à pied. Alors, à pied comment? À pied. J'étais dans le combat de résistance avec cette population. J'ai travaillé avec cette population. J'ai vécu le malheur avec eux. Nous avons vécu des situations difficiles avec eux. Donc, quand aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup de candidats. Moi, je leur dis, bienvenue, la population va choisir qui est mieux. Alors, pour connaître qui est mieux, c'est avoir quelqu'un que tu as expérimenté. Alors, ça, ça fait partie des atouts. Aussi, je suis content qu'il y ait beaucoup de candidats. Parce que quand il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de programmes. Et celui qui gagne aussi a un avantage d'avoir eu des contributions des autres candidats. Et puis quand il y a beaucoup de candidats, c'est que la démocratie s'est établie dans notre pays. Alors tout cela constitue un avantage. Alors pour moi, je vais aller en compétition. La population va choisir. Mais je sais que mon programme politique, le programme politique du CNDD-FDD, c'est le programme de plus de 80% de la population burundaise. Donc la population burundaise va choisir leur programme. Elle ne va pas choisir Évariste, plutôt c'est choisir leur programme. Et quand elle voit que le programme sera bien dirigé par quelqu'un qui est connu par cette même population, c'est-à-dire je constitue un avantage parce que j'ai consulté cette population avant que, d'ailleurs, j'ai été élu par le Congrès, et le Congrès est constitué par les délégués des citoyens burundais. Vous avez été au maquis, vous avez été à l'armée nationale, où vous êtes sorti avec le grade de général-major. Il y en a qui pourraient dire que si Évariste Ndayishimiye gagne les élections, on risque un pouvoir militaire. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur? Ce sont les citoyens qui jugent. Ce n'est pas moi qui juge, mais ce que je sais... Je pense que avoir vécu toutes les situations du pays, c'est aussi, ça constitue aussi un avantage. Si j'ai été militaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues que les civils n'ont pas vues. Je sais comment sauver un peuple, comment se donner pour un peuple. Je sais comment être courageux même quand tu as faim. Alors, tout cela m'a donné l'expérience. Est-ce que les gens ne peuvent pas être contents de tout cela? Parce que quand ils savent qu'ils ont un vrai commandant devant eux, ils savent qu'ils ont la sûreté de vivre encore et d'aller de l'avant. Et à régime militaire, en fait, quand on parle de régime militaire, c'est quand on parle de la dictature. Un militaire peut se faire élire comme les autres, parce que c'est un citoyen. Mais avant, il y avait une connotation comme quoi les militaires étaient faits de coups d'État. Mais aujourd'hui, si un militaire vient et qu'il va en compétition et que la population l'élit comme leur leader, là, ça ne fait plus rien parce que nous allons diriger dans un état de droit où il y a la loi qui règne et non la force. Et justement, s'il advenait que le candidat Ndayishimiye gagne les élections, vous estimez que ce sera comment l'image du Burundi en 2027? Je pense que l'image s'est déjà connue. Nous avons la vision 2020, nous avons le plan national de développement, nous allons évoluer ensemble. Moi je dis, si aujourd'hui on peut faire l'arithmétique, je dis il faut s'imaginer la société de 2005 et la société d'aujourd'hui. Supposons qu'aujourd'hui on l'appelle zéro. 2005, c'était zéro. Voilà comment nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle cette phase zéro. Alors, vous vous imaginez, la 2027, ça sera combien? Si vous voyez les atouts que nous avons aujourd'hui, en tout cas, c'est comme un tremplin qui va nous faire sauter à une vitesse énorme plus qu'avant. Donc, moi, j'ai confiance que quand même, en 2027, il y aura une amélioration dans la vie du peuple burundais. Et en passant, monsieur le secrétaire général et candidat président, vous pensez que la pandémie du coronavirus, on en parlait beaucoup aujourd'hui, ça fait trembler le monde. Est-ce que vous ne pensez pas que cette pandémie de coronavirus ne pourra pas empêcher le déroulement des élections au Burundi? D'abord, je voudrais saisir cette occasion pour remercier le bon Dieu qui a protégé le Burundi jusqu'à ce jour. Si c'est Dieu qui a fait tout cela, ce qu'il a fait aujourd'hui, il le fera même demain. Ma foi est que la pandémie de coronavirus ne va pas empêcher le Burundi d'avancer. J'ai constaté qu'il y a des Burundais sadiques, il y a même des étrangers sadiques qui voudraient que le Burundi tombe dans le malheur. Mais je dis et je suis confiant. Le bon Dieu continuera à protéger le Burundi. Alors, il ne faut pas être prophète de malheur. Il faut penser aux bonnes choses et non à de mauvaises choses. Moi, je suis confiant. Rien ne va empêcher le Burundi d'avancer. Parce que si vous voyez d'où nous venons, le Burundi peut-être serait la Somalie. Si vous avez vu ce qui s'est passé dans le passé, le Burundi serait Somalie, le Burundi serait Libye, le Burundi serait Centrafrique. Pourquoi tout cela n'a pas été au Burundi alors que les conditions étaient réunies? C'est le bon Dieu qui a protégé le Burundi. Quand vous voyez comment les Burundais ont changé d'esprit, Vous voyez qu'il y a un changement énorme dans l'esprit des Burundais. C'est qu'il y a le Saint-Esprit qui est toujours là. Donc, ce Dieu qui nous a sauvés, qui nous a protégés, continuera à nous protéger. Et toutes les étapes de la vie de la nation vont se dérouler très bien. Dieu va continuer à protéger le Burundi et les Burundais. Est-ce que le parti CNDD-FDD, avec votre, au sein de votre gouvernement et vos proches, est-ce que vous allez garder le statu quo de ce que vous dites très souvent, si pas toujours, nous avons mis Dieu en avant. Oui, effectivement, Dieu est toujours en avant au Burundi et Dieu va toujours protéger le Burundi. Et puis sur la gestion de toute situation, on gère la situation quand cette situation vient, mais on ne gère pas ce qui n'est pas encore là. Comme je le dis toujours, il faut être objectif dans l'analyse des situations afin de pouvoir bien planifier. On parlait toujours des élections de 2020. Est-ce que le candidat Évariste Ndayishimiye est prêt à accepter les résultats des urnes, quels qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils amèneront à la victoire ou à la défaite? Il y a 7 prétendants, dont votre personne, Évariste Ndayishimiye. Il y a un vocable que je n'aime pas chez les Burundais, qui passent toujours aux mauvaises choses. Les gens disent, vous allez accepter. Non, plutôt, est-ce que les élections vont se dérouler très bien? C'est-à-dire, quand les élections terminent, on proclame les résultats. Quand vous n'êtes pas satisfait, vous réclamez pacifiquement, parce que vous leur dites, voilà, moi je sais que je n'ai pas eu cette note. C'est comme les étudiants, quand vous proclamez, celui qui est lésé, qui voit que la note qu'il a eue ne correspond pas à ce qu'il avait fait, il réclame et il dit, moi, montrez-moi l'effet d'examen pour vérifier. Alors, si vous avez des doutes sur les résultats, vous demandez à la CENI, moi je voudrais vérifier les résultats de tel centre ou de telle province ou de telle commune, parce que c'est là où je doute. Alors vous vérifiez ensemble et vous trouvez la solution. Les élections, ce n'est pas à la justice, où on dit il y a des vainqueurs et des vaincus. C'est une compétition où tout le monde gagne, parce qu'on cherche celui qui va nous guider, celui qui va être leader de nous tous. Alors, là, il n'y a pas à dire, il y a des parables, ce n'est pas au tribunal. Donc, je vous dis que les élections, j'ai vu comment elles s'organisent. Si vous êtes lésé, vous réclamez. C'est la transparence, on vous montre vos résultats. Et quand vous comprenez, parce que tu ne peux pas forcer les gens à te lire. Alors, il faut compter les résultats, vérifier si vous avez des doutes. Et quand vous voyez que c'est la réalité, vous n'avez pas droit de refuser ce que le peuple a fait. Personne n'a ce droit. Mais alors, c'est pour cela que je voudrais conseiller d'ailleurs à tout le monde. Il ne faut pas toujours penser que aller aux élections, c'est comme aller au tribunal. Non, c'est aller chercher celui qui va aller devant tous les Burundais, qui va les représenter. Donc, je ne peux pas vous dire, est-ce que je vais accepter ou je ne vais pas accepter. C'est-à-dire, les résultats sont là, tout le monde les accepte. Parce que c'est une réalité objective. Nous tendons vers la fin de l'émission. S'il advenait que vous soyez élu à la place du président de la République, quel est le pays que vous comptez visiter le premier pour l'intérêt de la nation? Quel est ce pays que vous comptez visiter le premier au niveau Afrique et pourquoi? Je le saurai quand on aura eu des résultats. Parce qu'il ne faut pas planifier sur la base de la réalité subjective. Donc j'attends cette situation objective, le résultat des élections, et comme ça on planifie les activités de la suite. Aussi bien au niveau Afrique qu'en dehors de l'Afrique. Ce que je vous dis, tu ne peux pas dire vous allez faire quoi, vous allez faire quoi. C'est-à-dire, ce que vous pouvez me demander, c'est quel est le programme que vous allez présenter, parce que c'est le programme d'aujourd'hui. Mais après les élections, on planifie suivant les résultats des élections. C'est comme, par exemple, si vous gagnez avec 70%, par exemple, au présidentiel, et au parti, vous avez 55%. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas le... Au législatif. Au législatif. C'est-à-dire que la configuration des institutions ne sont pas les mêmes quand vous gagnez à 80% au législatif et au présidentiel. Donc, pour vous dire que la planification des activités de la pré-élection se fait à partir des résultats des élections. Est-ce que le candidat Évariste Ndayishimiye peut accepter un face-à-face avec tout autre candidat pour la présidentielle du 20 mai prochain? Face-à-face, c'est quoi? Quand vous allez à la campagne électorale, par exemple, c'est face à face. Les gens confondent les choses toujours. Quand vous allez à la campagne, c'est-à-dire vous allez vous exprimer devant les gens qui ne connaissent pas votre idéologie. Je voudrais dire, par exemple, à travers cette émission Mosaïque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand je vais dans un meeting, je trouve tous les politiciens là devant. Je m'exprime. Alors, quand ils veulent me poser des questions, ils me posent des questions. Alors, les gens, parce que pour faire la campagne, il faut aller à la radio, il faut aller à la télé. Non, la vraie campagne, c'est aller s'exprimer devant les gens qui ne vous comprennent pas. Sinon, tu ne peux pas aller chercher les voix chez les gens qui sont ensemble avec toi. La face-à-face, c'est aller effectivement dans ce public où c'est mixte et on s'exprime et les gens te cotent. Mais quand vous dites qu'il faut toujours aller à la télé, à la radio pour vous confronter, ça je n'appelle pas ça campagne. Mm-hmm. Campagne, c'est aller effectivement au public et s'exprimer et ils vont vous juger. La radio, la télé, ça vous prend beaucoup de temps? Effectivement. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. C'est un siècle où nous sommes pressés. ne veux pas perdre du temps. Alors, si j'ai le temps, je peux aller rencontrer, comme maintenant, si vous parlez de face à face. Toujours, je vois qu'on organise des réunions avec les partis politiques, on discute de tout. Alors, là, je ne vois pas comment on peut dire j'accepte d'aller dans des discussions face à face. Du moment que, au moins, chaque mois, au moins une fois par mois, nous nous rencontrons. Donc, nous nous connaissons. Il n'y a pas à dire j'ai perdu cela, j'ai perdu ceci. Mais l'essentiel, c'est de ne pas perdre du temps pour aller bavarder. Il faut aller au travail. Il ne faut pas perdre beaucoup de temps à parler. Nous avons eu un temps de repos. Maintenant, c'est le temps de travail. Monsieur Évariste Ndayishimiye, un mot à l'intention de la population, des responsables concernés par les élections, même les candidats à la présidentielle, c'est lequel? D'abord, ce que je peux dire, c'est à tous les citoyens. Oui. Il faut toujours avoir en tête que les élections, ce ne sont pas un problème. Les élections, c'est quelque chose qui est bien pour la société parce que c'est l'occasion de se renouveler. Alors, il faut qu'on participe dans les élections à cœur ouvert. C'est souvent ce que je conseille même aux compétiteurs, c'est-à-dire aux autres candidats. Il ne faut pas parler des individus, il faut parler du programme que vous allez faire une fois élu. Alors, si vous avez un esprit posé, vous allez dans la compétition, vous avez à démontrer ce que vous pouvez valoir pour la société, ce que vous pouvez faire pour la société, alors là, il n'y a pas de problème. Donc, je conseille aux gens d'avoir la tranquillité dans le cœur. Il faut être tranquille, il faut être apaisé. Les élections sont de bonnes choses pour se renouveler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas que les élections nous fassent oublier notre objectif principal, la recherche du bien-être. Oui. Les élections se passent dans un moment, c'est un jour seulement. Il faut qu'on continue à vaquer à nos activités. Il faut penser à notre vie future, vie familiale. Donc, ce que je peux conseiller à tout le monde, c'est toujours avoir en tête que la vie continue, que les élections y aient ou que les élections n'y aient pas. Donc, c'est ce que je peux conseiller. Restons calmes, restons tranquilles. Et nous allons franchir cette étape des élections et continuer à vaquer à nos activités quotidiennes. Un mot aussi peut-être sur la tolérance politique, mais aussi sur la diplomatie. Bon, ce que je disais, c'est la tolérance. Parce que quand vous avez un esprit posé, quand vous êtes tranquille, c'est-à-dire vous êtes capable de vivre avec tout le monde. C'est cela qui fait la tolérance. Sinon, avant, parce qu'il y avait des tensions, aujourd'hui, on n'a pas de tensions entre les politiciens. Donc, pour vous dire que cette question de tolérance n'est plus. Donc, je peux dire que si nous sommes tranquilles, si nous avons un esprit posé, tout va se dérouler dans de bonnes conditions et ça sera très bien pour nous tous. Monsieur Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir, candidat à la présidentielle du 20 mai prochain, je vous remercie pour votre contribution à l'émission Mosaïque. Merci de m'avoir accordé ce temps. Et je pense que ce que j'ai dit va être utile pour les citoyens qui vont nous écouter. Et nous allons toujours continuer à prodiguer des conseils pour qu'on puisse réussir les élections. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Jérôme Nionzima pour la réalisation. Au micro, vous étiez avec Léonce Vitalio. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.